secret, I tell you, I am put in the pot. Hey, ring the alarm. Hey, whoa. Put a smile on your face. Secret, I tell her, I am put in the chat. This is a sound man session, come follow me. Someone session, this is a sound man session. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Campus Hi-Fi, l'émission reggae, dub et surtout sound system de Radio Campus Montpellier. On est ensemble jusqu'à 23h comme tous les 4e lundis de chaque mois. Et tout d'abord, comme c'est la première émission de 2019, je vous souhaite une riche année musicale. Une très bonne année, oui. Pleine de skank, de basse, tout ça, tout ça. Du coup, ce soir, bon, on est avec Romain. Évidemment, je suis bien là. Ça va, bonsoir, Romain. Cédric, ça va très bien, et toi? Bah écoute, très bien aussi. Tu viens avec les points sur les petites sorties récentes du mois de janvier. Du mois de janvier et certaines de décembre aussi qu'on n'avait pas pu présenter la dernière fois puisque l'émission était le 24 et du coup il y a encore des trucs qui sont sortis derrière. On verra ça tout à l'heure. En face de toi il y a Yanis. Salut, salut. Ça va? Bah comme on en dit, hein, la fatigue. Comme dire que ça toujours, va bien. Toujours plaisir d'être ici avec vous. Bon, Ludo n'est pas là ce soir, on lui fait un petit big up, il est keblo de la nuque. Voilà, il peut pas trop bouger. Du coup, on a une petite pensée envers lui et il sera là sûrement à la prochaine émission. Et enfin, on a Tom qui nous fait la technique ce soir. Brouillaka, jungle is massive. Merci beaucoup pour cette intervention. Et enfin, donc on recevra en milieu d'émission, Adrien. Son nom de projet c'est Obidub. Et donc il sera là tout à l'heure, il est en train de s'installer là, il sera là tout à l'heure pour discuter un peu de ses projets et surtout pour une session live qu'on retrouvera en live stream sur le Facebook de Radio Campus Montpellier. Voilà, ce sera aux alentours de 22h. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un petit morceau de Groundation pour commencer, pour se mettre dans le bain. On commence bien. Le morceau s'appelle Each One Dub One. I'm Et c'était à l'instant Groundation avec le morceau Each One Dub One. Morceau Each One Dub One qui est sorti de l'album du même nom, qui est un album en version dub de leur album Each One Teach One qui était sorti en 2001. Each One Dub One est sorti en 2018 et justement il a été primé entre guillemets dans le cadre des victoires du reggae 2019 qui ont eu lieu, dont les résultats sont tombés dimanche. Et du coup on va revenir rapidement sur ces victoires du reggae, vous en avez peut-être entendu parler du coup. Elles sont organisées par le site reggae.fr avec la complicité de culturedub.com pour les sélections dub, ainsi qu'une cinquantaine de partenaires, presse, médias, radio. Et du coup, je vous propose de revenir sur les quelques lauréats de cet événement reggae. Tous les artistes, il y avait 17 catégories. C'est ça. 3 dédiées à la dub music en particulier, le reste plutôt reggae. C'est simple, on va y aller. L'album Roots de l'année a été remporté aussi par Groundation avec leur album The Next Generation qui est sorti chez Baco Records. On a une catégorie avec l'album New Roots de l'année remporté par Protogy avec son album Matter of Time. Dans l'album Dancehall de l'année, c'est DJ Vadim avec son Dubcatcher Volume 3. Enfin, dans l'album Reggae français de l'année, c'est Daddy Mori avec son album Mori. Dans l'album Dancehall local de l'année, alors Dancehall, Reggae Dancehall local, c'est le Reggae Dancehall qui vient des Dom Tom. C'est Positive Vice Sound avec son album du même nom, Positive Vice Sound. Dans l'album French Touch de l'année, qui regroupe tous les artistes français chantant en anglais, on trouve en première position Generation avec leur album Mix Sessions, et en deuxième position Vanupié, qui jouait dans le métro parisien, qui se fait connaître. Exactement. Comme ça, avec son album Gold. Et qui sera bientôt à la Meufol, si je dis pas de conneries, en début avril. Normalement, à Alès. Voilà. Je peux pas te le confirmer s'il est là-bas. Du coup, j'espère que tu dis pas de conneries, Romain. Ouais, voilà, j'espère aussi. Sinon, c'est déjà dit, c'est trop tard. Dans l'album Révélation de l'année, on retrouve Simawe avec l'album Walk for a Kid. Dans l'album Ska Rocksteady de l'année, l'album de Scapé, Game Over, que je n'ai pas écouté, mais que je suis curieux d'aller écouter. Ça va être dans mes prochaines écoutes. Dans l'album de reggae africain de l'année, on retrouve sans surprise Alpha Blondy avec son album Human Race. Dans l'album crossover de l'année, c'est Soumti qui remporte la catégorie avec son album Born Again. On retrouve en deuxième position l'album de Calypso Rose, Calypso Rose qui est une grande voix de la Calypso musique qui vient de Trinidad et Tobago si je ne m'abuse. Et ouais, c'est un album, dans cette catégorie d'album crossover, on avait beaucoup de projets comme ça, qui mêlait le reggae à d'autres musiques. En troisième position, par exemple, dans cette catégorie, c'est Winston McAnuff et Fixie, l'accordéoniste, avec leur album Big Brothers, qui est génial. Et on avait aussi, qui n'a pas été primé, c'est l'album de Brain Damage aussi, qu'il est allé enregistrer en Colombie, que je trouve hyper intéressant comme album. C'est ça, exactement. On continue avec l'album, alors une catégorie qui regroupe les compilations et c'est Manu Digital qui remporte cette catégorie avec son album Digital Kingston Sessions, la mixtape de l'année remportée par OBF, l'album Reggae Digital de l'année par Manu Digital toujours avec son album Bass Attack. On a aussi une catégorie sur les festivals hexagonales de l'année qui durent au minimum 2 jours, donc sans surprise c'est le plus gros qui a remporté la compétition, le Reggae Senska. On retrouve ensuite le No Logo et le Dub Camp Festival, et pour information il y avait le Mashup Festival organisé par nos copains de Travel Sound aussi dans cette sélection. Enfin, on va arriver aux albums dub de l'année, donc avec la complicité du site internet culturedub.com, comme je disais tout à l'heure, où on retrouve donc l'album de Groundation, Each One Dub One, la version dub de Each One Teach One. On retrouve en seconde position Zenzile avec l'album 5 plus 1. Et en troisième position, Wedding Dub avec l'album End Over Night, End Over Day. Ça, ce sont les albums en sortie physique, parce qu'il y a aussi une sélection pour les sorties digitales, donc ils sont sortis sur internet. Ouais, pas physiquement. Et donc, sans surprise, c'est Kanka, on a déjà parlé de cet album Interaction lors de la dernière émission. C'est Kanka qui remporte cette catégorie. On retrouve ensuite l'album de Raccoon, Wishes and Delusions. Sorti il y a un petit mois, lui aussi. Donc, tout récent, lui aussi. Aussi. Ouais. Et ensuite l'album de Dubmatix, King Size Dub Special. Et enfin on a une catégorie qui regroupe beaucoup, oui, un peu fourre-tout entre guillemets, qui s'appelle Compilation, Remix ou Meeting Dub de l'année, donc toujours avec la complicité de culturedub.com. Et bon bah déjà c'est vrai que c'est compliqué de passer beaucoup d'artistes dans... Enfin, oui. Il y a tellement de projets qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Donc là, ça a été remporté par Zion Train avec un EP de remix de leur album ZT30. On retrouve ensuite Sly Robbie meets Dubmatix avec l'album Overdubbed. Et enfin, Roots Garden avec l'album Various Showcase Partie 3. Bien. Du et coup... Les votes, c'est fait par les internautes en ligne qui vont... C'est ça, sur le site de reggae.fr, c'est un genre de gros QCM. Quoi. D'accord, ouais, donc n'importe qui pouvait aller voter. Et c'est pas évident des fois de... C'est pas fait par un jury, ni... Non. Rien, c'est... Ouais, voilà. Mais encore une fois, ces victoires du reggae-là, elles ont pas pour but de donner des prix pour bien donner sûr, des prix. Sûr. C'est parce que dans les victoires de la musique, à part en 2000, 2001, 2002, le reggae a jamais été représenté, depuis non, bien en sûr, tout cas. Je pense. Et bon, bah... Là, quand on voit comment se porte la scène reggae et dub, sound system en France à l'heure actuelle, quoi, c'est... Enfin, c'est une belle initiative du site reggae.fr de faire ça pour mettre en avant les acteurs locaux et même internationaux, parce qu'il y a des catégories internationales. Mmh. Voilà, c'est avant tout le but de ces victoires du reggae. Et du coup, c'est une très bonne chose. Ouais. Du coup, on va s'écouter un petit morceau de Wedding Dub. End Over Night, End Over Day, issu de l'album éponyme. Thank you. Et à l'instant, c'était Wedding Dub avec le morceau End Over Night, End Over Day. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Romain, hors antenne, ouais. Dans les compilations dub aussi, on avait la compilation de Subsquad. Subsquad Prod, du coup. Subsquad ouais, Prod. Qui est, voilà, qui est le label du coup de South Attack qu'on avait reçu lors de la première émission. Et on retrouve aussi le groupe Salvace. Voilà, qu'on pourra d'ailleurs retrouver demain. Demain soir à l'ODB, ouais. Ouais, j'en parlerai tout pour, à l'heure. Ouais, ça s'attaque. Bon, bah en attendant, on va se balancer un morceau de Zion Train, de leur EP de remix. Le morceau s'appelle Permanent Pressure et c'est un remix de Jungleweed. Keep looking on, permanent pressure, them putting on. Keep them juking on. Them putting on a permanent pressure from the earth to the firmament's pressure. Them remind me of Nebuchadnezzar. Permanent Pressure de Zion Train, remixé par Jungle Weed sur Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Il va être l'heure maintenant de passer au point sur les sorties du mois de janvier et du début du mois de décembre, comme tu nous as dit, Romain. Et du coup, tu nous as ramené 8 ou 9 extraits, et du coup, on va en écouter un, et tu nous raconteras son histoire après. Je raconte un petit peu de tout ça. Et voilà un bref aperçu de l'IP issu de la rencontre entre Tetrahydroca et Brainless, sorti le 17 décembre dernier chez ODG Prod. L'IP s'intitule Chapter 1, bon ça nous laisse du coup penser qu'il y aura quand même une suite à ça, et c'est tant mieux parce que c'est quand même un très bon album. L'extrait qu'on vient d'entendre fait partie des 7 morceaux qu'on peut retrouver du coup sur le projet. Parmi ces derniers, on retrouvera un featuring avec Tiber. On va également pouvoir retrouver sur le projet un morceau de Brainless remixé par Tetrahydroca et vice versa, Tetrahydroca remixé par Brainless. Et parmi tout ça, on aura aussi des morceaux bien massifs quand même qui composent l'essentiel de cet album, et c'est digne quand même d'un bon gros stepper au skank bien marqué. Ouais. Et souvent agrémenté de du saxophone, la petite touche à la Tetrahydroca, et également des voix de Sen City, Guru Bonton et Shiva, qui sont les 3 MC du Brainless Sound System principaux en tout cas. Et concrètement, ça donne ça. Sound is around. Watch out, we come fi mash up the town. Watch out, got my sound is around. Watch out, straight out of us. Et voilà, c'est quand même des morceaux toujours plus énervés, mais au milieu de tout ça, on retrouve quand même un morceau dont le style est bien plus posé et qui se rapproche même de la trap. Voilà, du coup, ce petit extrait au milieu de cet album, constitué essentiellement de steppers, comme ça m'a plutôt étonné, je sais pas vous. En tout cas, venant de Brainless et de Tetrahydroca, c'est pas vraiment ce qu'on a trop l'habitude d'entendre chez eux, en tout cas. Et voilà. Comme nous avait dit Canaille, tu peux tout faire avec le dab. Exactement, ça c'est sûr. Et en tout cas, si vous voulez avoir un meilleur aperçu de l'IP, je vous invite à aller l'écouter sur le site d'ODG Prod ou à aller les voir en concert, puisqu'ils sont en tournée durant les mois à venir. Et pour le moment, la date la plus proche de Montpellier, c'est malheureusement à Marseille. Bon, malheureusement, ça vaut le détour, je pense, puisque ce sera pour le Dub to Trance le 9 mars en compagnie de Ichiban et de la Petite Fumée. Du coup, autant vous dire que ouais, ça peut valoir le coup de prendre sa voiture pour aller voir ça. Pour la suite, on est encore chez le label ODG, et c'est Dr C qui a sorti un IP, qui a pour titre Ride the World. Et on retrouve 5 morceaux dans cet IP avec des sons de guitare électrique et une forte influence venue du rock, qui se marie très bien avec les sonorités du dub, comme les petits canailles et comme... voilà. En tout cas, je vous laisse écouter ça, ce sera quand même encore mieux pour illustrer. We'll be right back. Et du coup, on reste dans le rock, mais là, on a un côté encore plus, plus rock, je dirais hard rock, voire metal, avec ce morceau qui est encore plus fou. Et voilà pour cet album de Dr. C. Du coup, le nom de l'album, c'est Ride the World, et ça vaut le détour. Et c'est assez, moi, ça m'a plutôt étonné, ce mélange des deux styles, mais qui convient parfaitement. Et c'est vrai qu'après, on le retrouve souvent avec des morceaux. La dernière fois, par exemple, j'avais passé un petit son de Carabas qui ont sorti un album le mois dernier. Et c'était pareil, on avait des sons de rock, mais des sons plus rock psyché avec cette gratte électrique. Et voilà, petit coup de cœur en tout cas là-dessus. Pour toi aussi, Yanis, apparemment. Yanis, il peut nous raconter petite anecdote de ce morceau qu'il a tant cherché sur internet après la meuf folle. Oui, après la meuf folle. Et qui est sorti que récemment. Et ouais, avec Liam, on a un peu harcelé Brandless sur Facebook pour savoir quand est-ce que sortait l'EP. Au final, ça y est, il est enfin là, du coup, on l'a bien poncé comme il faut. Il aura fallu. Voilà. Et encore une petite sortie chez Culture Dub Records, donc le label de Culture Dub. La sortie s'appelle Vocal and Dub Version 2010-2015 Part 2. Alors je vous explique, le nom comme ça vient du fait que les productions, en fait il y a 5... je vais la refaire. Les productions sorties du coup entre 2010 et 2015 dans ce label ont été rééditées, en tout cas remis sur vinyle, si je dis pas de bêtises, et en tout cas sur leur label, avec des sons issus de 5 vinyles différents qui ont été enregistrés pendant les soirées Nuit du Dub à Poitiers, du coup entre 2010 et 2015. On y retrouve du coup 10 titres, dont 4 de Digital Seal Hi-Fi, comme celui-ci intitulé Dub Arena. Et on retrouve aussi deux morceaux avec Pila et Joe Pilgrim à la voix, et les quatre derniers avec la voix de Sista Bessabé, accompagnée de Barbé D pour les deux premiers titres, et les deux derniers, elle les a fait avec Mexican Stepper, comme le son Irie. Voilà pour cette compilation qui nous fait osciller entre Roots, Stepper, Digital et Electro. Et pour finir ce point sorti, on le finira même tout à l'heure avec Obidub qui est parmi nous et qui nous fait le plaisir d'être ici. Et du coup, on verra ça après en live pour le plaisir de nos oreilles. Mais pour le moment, on va s'écouter un petit morceau de Zenzile qui a été remixé dernièrement par Brainless. Le morceau s'appelle So Good So Far. You keep falling and you keep falling, but you still haven't landed yet. There might be a theme, time to spread the word. As quickly as you can swing, and still go through the meat. Always so cool, everything's fine. fine. Everything's good, I think, 'cause everything's fine so far. Voilà, c'était So Good So Far, un remix de Zenzile fait par Brain Damage et non par Brainless. Trop l'habitude. Ouais, c'est ça, à en avoir parlé avant. Et du coup, on va continuer l'émission avec l'agenda maintenant, et c'est Mister Yanis qui va nous faire tout ça. What the time you have the dread? 12 o'clock, Nati. Roots. Et donc on commence l'agenda en douceur avec l'équipe de South Attack qui nous fait une petite session à l'ODB demain soir. Donc c'est gratuit comme d'habitude, hein. Et si vous voulez boire un coup sur du bon de son, bah, faites-vous plaisir. Le 31 Dub Invasion nous fait une petite sélecta pour clôturer les Full Moon Reggae de janvier à la pleine lune. Le 1er février à l'Ombrière, Zenzile et Balafonic Sound System pour la sortie de leur 11e album. Dont on écoutera un petit extrait juste après l'agenda. 14€ l'entrée sur place de 19h30 à minuit 30. Du coup c'est à côté du Zest, c'est ça? C'est ça. Ok. Samedi 9 février, Consensus Corner 6ème édition, J-Life et Salomon Heritage ramènent leur façade au Méloman. 6 heures de son pour 10€ l'entrée. Rentable. Le 22 et 23 février, le Zion d'hiver, hein, bien sûr, avec sa grosse line-up en grande partie locale. Ça se déroulera à Bagnols-sur-Cèze, comme d'habitude, avec des prix qui varient entre 15€ la soirée et 25€ pour les deux soirs. Donc un événement à surtout pas louper. Et enfin, pour terminer cet agenda, la deuxième Kedes Dub Session à Sommières. Aspar mit Sama Renuka sur la sono de Travel Sound le 2 mars, 5€ l'entrée. Voilà, du coup c'est tout pour cet agenda du mois de février. Bah merci beaucoup Yanis. Et bah sans transition, on va se mettre un morceau de Zenzile. Zenzile meets Jairi 4000 years, pardon. That's all the time we be left alone. But then Zenzile meets Jairi 4000 years dans Campus Hi-Fi. Et donc du coup, comme annoncé en début d'émission, on est avec Adrien. Oui, salut. Salut Adrien, c'est un plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir partagé, je suis bien content d'être avec vous. Du coup, on te connaît plus sous le nom de... Là, tu viens de nous présenter ton projet solo, OBDub. OBDub, ouais, exactement. OBDub. Bon, on peut le dire à l'anglais, ça marche aussi. Chacun fait comme il veut. Tu vois, on a des petits problèmes des fois avec les prononciations anglaises et tout dans cette émission. Donc, OBDub, tu as sorti un EP le mois dernier au mois de décembre. Ouais, fin décembre chez ODG Prod, du coup. ODG Prod, le fameux web label. L'EP qui s'appelle Slow Fat Machine. Exactement, ouais. Carrément. Avant de parler de cette EP, je sais pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, tu viens d'où? Ok, pas de problème. Alors moi c'est Adrien, je suis arrivé dans la région de Montpellier il y a pas si longtemps là, j'ai déménagé il y a peu, comme j'aime bien le faire. Et j'ai un autre projet qui est un peu plus ancien que OBDub, c'est WooBDub. C'est un duo qu'on a fondé dans la région lyonnaise en 2013 avec l'ami Woody Vibes du coup de son projet perso. Et depuis on a fait quelques dates, on a fait quelques CD, et enfin j'ai du temps pour développer mon projet perso qui est en RAM depuis 4-5 ans, donc pour la petite présentation, j'en suis là. Ouais, avec WooBDub aussi, vous avez fait plusieurs sorties chez ODG, on peut vous retrouver. On a fait deux sorties, deux EP chez eux, et je pense qu'on continuera à sortir chez eux. Ah, c'est bon à savoir. Bien, ouais. Ça se passe bien du coup avec ODG, c'est une bonne équipe. C'est un label que j'écoute moi depuis déjà pas mal d'années, même avant de produire mes propres tracks, où j'ai découvert... beaucoup d'artistes dub que j'écoute aujourd'hui, même si j'ai pas découvert le dub grâce à ce label. Mais ouais, c'est une grande famille, y a vraiment une multitude d'artistes super intéressants, c'est très riche. Et donc c'est super pour nous d'avoir l'opportunité de sortir des CD chez eux, quoi. Il y a beaucoup d'échanges aussi sur ce label. Je sais que tu as fait un featuring avec Raccoon. Ouais, on a fait plusieurs même. Deux feats, ouais, avec Raccoon. Sur deux albums différents du coup. Ouais. Dont avec Bisou si je dis pas. Exactement, de bêtises. Carrément. Le dernier en date. J'ai fouillé ton SoundCloud. carrément. Ouais. Tu disais que t'étais pas arrivé dans le dub en écoutant ODG. Comment t'es arrivé dans ce milieu-là du dub du coup? J'ai découvert, ça doit être en 2010 ou 2011, j'ai écouté mon premier morceau de Hightone. La classique. Ouais, il y en a beaucoup. Énormément, les jambes. Mais ça a été pour moi Hightone avec Basse Température, le bon classique quoi. Ça a suivi de près après avec Cali Live Dub. J'étais très touché par ces deux groupes parce que justement c'est des groupes avec plein de musiciens. Moi qui venais du métal avant, je sais pas si ça a été un raccourci plus facile pour moi d'écouter ces groupes en premier. Mais en tout cas ouais, la sauce a accroché et après j'ai fait ma première soirée dub à Montpellier où j'ai vu Kanka à la pleine lune. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer. Les basses surpuissantes de Kanka. Ouais. Exactement. Ouais. Et la chaleur de la pleine lune. Ouais. J'avais fait à peu près la même avec Mahom. Ça a été mon premier concert de dub aussi. Et c'était à la taverne du Perroquet. Et c'est vraiment un tout petit couloir. Et pour le coup, chaleur était là aussi. Et c'était une bonne soirée aussi. Je vois bien ce petit couloir dont tu parles. Ouais, donc pour revenir sur ton EP, il est vraiment très atmosphérique. je sais pas si c'est le mot que t'emploierais, mais d'autres sorties de WooBDub justement, où t'as vraiment un côté très, très atmosphérique, très planant dans ton dub. Carrément, ouais. Bah, justement, c'était un peu le flip au début parce que les trois premiers morceaux que j'avais pour l'EP, bah, je me suis rendu compte que c'était des morceaux très posés, très chill finalement dans l'esprit. Et j'avais l'habitude du coup avec Poubé de taper plus dans du dance floor, voilà, des musiques un peu plus énervées, bien plus électro. Quoique, il y a quand même de l'électro à fond dans Slow Fat Machine, mais oui, du coup, voilà, j'ai décidé, allez, c'est pas grave, c'est pas dance floor. L'idée, c'est de se faire plaisir, de vider ce qu'il y a dans la tête. Et ouais, du coup, on est sur quelque chose d'atmosphérique. Moi, je suis assez d'accord avec toi, j'aurais employé la même chose. Voilà, des bonnes teintes trip-hop aussi, c'est planant, c'est bien la vibe que j'aime. Et du coup, là, ton live, donc tu vas nous présenter ton EP. Ouais. Ok. Donc ce sera en live stream tout à l'heure, enfin dans pas longtemps même, sur la page de Radio Campus Montpellier. Le nom Slow Fat Machine, il vient d'où ? Slow Fat Machine, bah ça c'est... Je me suis posé en fait quand j'ai composé ce premier morceau, Slow Fat Machine, et je sais pas, j'ai cherché ce qui m'évoquait. La petite machine, c'est pour le côté un peu rouage qu'on a dans la rythmique tout au long du morceau. Là, vous entendrez, il y a un espèce de petit roulement comme un wagon de train. Ça me faisait penser à ouais, une machine. Et Slow Fat, bah, je crois que ça parle. C'est un raccourci très simple entre c'est lent et c'est fat, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'évoquait quand j'écoutais ça. Et voilà, c'est Slow Fat Machine, c'est venu comme ça. Ça roule. Ouais, du coup, t'as des projets récemment de prévu après la sortie de cette EP ? Peut-être tourner un petit peu ? Eh ben là, j'ai été vachement content de voir qu'il y a quand même du répondant après la sortie de cette EP. Quelques dates là qui se confirment, donc j'en ai deux encore en février. Ça sera le premier là ce week-end qui arrive à Grenoble, le 22 février à Lyon. J'en dis pas plus parce que pour l'instant la soirée n'est pas annoncée, donc je laisse le suspense. Et sinon, il y a d'autres soirées qui vont arriver dans l'année, ça reste à confirmer. En tout cas, voilà, moi j'ai de l'espace, je suis assez libre, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Le message est lancé. Et ouais, voilà, sinon à part les dates, bah, y a l'album qui est en composition déjà, j'ai déjà attaqué en fait avec des morceaux que j'avais déjà, des morceaux qui sont arrivés là suite à mon déménagement, voilà, j'ai été bien inspiré, donc j'ai commencé à composer et j'en glisse une petite pour dire qu'il y a du nouveau qui arrive avec Woobedub aussi, on est un peu discret, on n'en parle pas mais ça travaille. C'est cool. Super, c'est bon à savoir, on en parlera. Ouais. Dans Campus Sci-Fi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Plus d'autres choses à rajouter. Non, je pense que ça peut être bien de mettre ça en musique maintenant. Exactement, on attend ça. Bah du coup, je vous propose d'écouter un morceau de Dumbmatix, le temps que tu te mettes en place, et on se retrouve dans moins de 5 minutes. Happy every time, and you know me not gonna leave. you make me happy, happy, happy every time, oh. And you know I'm not gonna leave you behind, oh. You make me happy, happy, happy in my life, oh. And you know you got to be my wife. And me say you make me happy, happy, happy every time, oh. And you know I'm not gonna leave you behind, oh. You make me happy, happy, happy in my life, oh. And you know you got to be my wife. And me say you are the one who rocks my world. You are my darling, you are my girl. You are the one where my love lets be. And you are the girl that time I need. When I'm sick, no, when I'm sad, oh, you are the one that make me glad. Have your side of me, cause girl, you are my remedy. You are the one that set me free, no, like the bird up in the tree. Let me be what I can be, cause girl, you are my destiny. Got love for humanity, and this is just reality. As far as I'm what I can see, you are the only girl for me. I say, cause you make me happy, happy, happy every time, oh. And you know me not gonna leave you behind, oh. You make me happy, happy, happy in my life, oh. And you know you got to be my. Yes, il est bientôt 22h, on est en direct dans Campus Sci-Fi sur RCM 102.2 et maintenant on va assister au live d'Obidub à retrouver en live stream sur Facebook et bien sûr sur le 102.2 FM. C'est quand tu veux.

seems to have a chain and I will leap, but suddenly the wall is rushing to my fist, still out to obscurity, and I'm off on, I'm offline to a bar without answer, came into my diamond, I can't feel the monster, he touched me in my chest, and this breath could be the last, my neck is cracking, be at the armrest, I'm still alive, I'm bleeding on the shore, tell me who this fucking monster, who want to dance on me, so I can only see myself in the mirror. Get away from my eyes, get away from my brain. I'm gonna make you feel what you could be if you hurt. Want you to disappear. Get away from my eyes, get away from my brain. I'm gonna make you feel what you could be if you hurt. Dark open for self destruction. Sorrow that all one solution. Making my fear shut up, making all my voices deaf. I'm not about to get my head out of the darkness. Dark open for addiction, sorrow, get hard, one solution. Making my fear shut up, making all my voices deaf. I'm not about to get my head out of the darkness. Cause it's too cold to go on the outside.

this groove, we made this move, and it set our souls free. House was a way of life, and it made you reach out and raise your hands in the air to rejoice and sing a song of love, sing a song of peace, sing a song of happiness. House was our light of day, and it shined on our souls. 3 o'clock in the morning, on and on and on and on and on. House was our release, house was our sanctuary, house was our prayer. Can you feel it like I feel it? Is there something feeling good in your soul? Yes, c'était Obidub sur Radio Campus Montpellier dans Campus Hi-Fi. Merci beaucoup pour ton live, c'était une tuerie. Merci, merci. Merci à vous les gars. Ça nous a fait plaisir de te recevoir en tout cas. Du coup, on va se quitter là-dessus. C'était Campus Hi-Fi. Vous retrouverez le live stream sur la page Facebook de l'émission, sur le Facebook de Radio Campus Montpellier. Et nous, on se retrouve le 4e lundi du mois de février. Exactement, dans un mois, Cédric, comme d'habitude. Exactement, pour une nouvelle émission Dub Sound System. Exactement. Et bonne humeur. Avec toute l'équipe de Campus Hi-Fi et même Ludo qui aura décoincé ses cervicales d'ici là, en tout cas, on l'espère. Merci à toi, Romain. Merci à Yanis. Merci à Tom à la technique. Et encore une fois, merci à Obidub pour son live. Et on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans un mois.